Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génésot. De la distribution des aumônes. Règle à observer dans le ministère de la distribution des aumônes. Note. Dans le ministère, Saint Ignace appelle la répartition des aumônes un ministère. Cette expression est remarquable et doit rappeler à ceux qui les distribuent qu'ils sont les ministres de celui qui s'appelle le Père des pauvres, ce qui est toujours vrai, surtout lorsqu'il s'agit de personnes qui possèdent des bénéfices ecclésiastiques. Fin de la note. Première règle. Si je distribue des aumônes à des parents, à des amis ou à des personnes pour lesquelles je me sens de l'affection, je dois observer quatre points dont il a été fait mention dans la matière de l'élection. Note. Voir, les trois degrés d'humilité, de l'élection. Second mode, première règle est suivante. Fin de la note. Le premier est que l'amour qui m'engage à faire l'aumône à ces personnes vienne du ciel et ait sa source dans l'amour même que j'ai pour Dieu, notre Seigneur. Je dois donc, avant d'agir, sentir intérieurement que l'amour plus ou moins grand que je leur porte est pour Dieu et voir Dieu dans le motif qui me fait les aimer davantage. Le second consiste à me représenter un homme que je n'ai jamais vu ou connu et à qui je désire toute la perfection à laquelle il peut atteindre dans l'exercice de son emploi. Puis je ferai moi-même, ni plus ni moins, ce que je voudrais qu'il fît dans la distribution de ses aumônes, prenant pour moi la règle que je lui conseillerais de suivre et que je juge être conforme à la plus grande gloire de Dieu et à la plus grande perfection de son âme. Le troisième, à examiner, comme si je me trouvais à l'article de la mort, comment je voudrais m'être comporté dans l'exercice de mon emploi, et, me réglant sur ce que je désirerais alors avoir fait, le mettre en pratique maintenant. Le quatrième, à considérer ce que je penserai au jour du jugement. Comment voudrais-je alors m'être acquitté de ce ministère? Quelles règles voudrais-je avoir suivies? C'est celle que je dois suivre à cette heure. Deuxième règle. Lors donc que l'on ressent de l'inclination ou de l'affection pour les personnes entre lesquelles on désire répartir les aumônes, il faut d'abord suspendre sa détermination, puis faire sur les quatre points de la règle précédente des réflexions sérieuses, recherchant et examinant la source de l'affection que l'on éprouve, et ne se décider à faire l'aumône qu'après avoir, conformément à cette première règle, ôter entièrement et rejeter de son cœur toute affection déréglée. Troisième règle. Bien que l'on puisse légitimement accepter des bénéfices ecclésiastiques, textuellement, les biens de Dieu, notre Seigneur, pour en distribuer le fruit, quand on se sent appelé de Dieu, notre Seigneur, à cet état, il est cependant certain que dans la détermination de la quantité qu'il est permis de s'appliquer à soi-même et de celle que l'on doit distribuer aux autres, on peut avec raison craindre d'excéder et de blesser sa conscience. Il sera donc bon de réformer sa conduite en consultant les règles présentes. Quatrième règle. Pour les raisons que nous avons déjà exposées et pour beaucoup d'autres, le meilleur et le plus sûr, lorsqu'il s'agit de dépenses personnelles et domestiques, est toujours de restreindre et de diminuer de plus en plus, jusqu'à se rapprocher autant que possible du pontife souverain, notre règle et notre modèle, qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est conformément à cette règle que le Concile de Carthage, auquel assista saint Augustin, détermine et ordonne que l'ameublement de l'évêque soit comme un nez pauvre. Ceci doit s'appliquer à tous les états, ce qui n'empêche pas d'avoir égard et de se conformer à ce que le rang et la condition réclament. Saint Joachim et Sainte Anne, pour citer un exemple de personnes engagées dans le mariage, divisaient leurs biens en trois parts. Ils donnaient la première aux pauvres, ils consacraient la seconde au culte divin et au service du temple, ils se servaient de la troisième pour leur entretien et celui de leur maison. Markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org Université de Toronto, Université d'Ottawa et Livre Mystique.com, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.